Chapitre 36e. Ce qu'on appelait le tour du parc à Rudemont était une levée de terre plantée d'arbres et d'arbustes qui servait de clôture au parc. Autrefois, ce parc avait été entouré de murs sur tout le pourtour. Mais peu à peu, avec les années, les murs s'étaient écroulés, et comme les marquis de Rudemont avaient, de père en fils, inspiré une frayeur terrible aux braconniers, ils n'avaient point eu besoin de faire relever à grands frais des clôtures qui ne leur étaient pas d'une grande utilité. Quand le père Fabu, l'huissier de Condé, avait acheté la terre de Rudemont, il avait trouvé ses murs en si mauvais état qu'il ne pouvait pas songer à les réparer. Il fallait les reconstruire ou les abandonner. Tout d'abord, alors qu'il était président du club de l'égalité et qu'il avait aux mains des moyens énergiques pour faire respecter sa propriété, il les avait abandonnés. Mais plus tard, quand il n'avait plus été qu'un simple particulier, exposé aux déprédations de gens du voisinage, il avait pensé à les faire relever. C'était le moment où il commença à se croire solidement propriétaire de Rudemont et où il employait à réparer et à enrichir son domaine le zèle qu'il avait mis à le ruiner alors qu'il craignait d'en être dépossédé un jour ou l'autre. Mais ce n'était point une petite affaire que de relever ses murs sur une longueur de plus de 2 lieues, car s'il avait les vieux matériaux sous la main, la brique et le silex, la chaux lui manquait pour faire le mortier, ou tout au moins elle coûtait très cher. Alors il avait inventé un expédient qui devait lui permettre d'économiser la chaux, tout en donnant à son parc le caractère d'enclos avec les privilèges que la loi pénale accorde à ce genre de biens. Comme la main-d'œuvre était à bas prix, il avait fait élever, sur l'emplacement même des murs, ce qu'on appelle dans le pays un fossé, c'est-à-dire un talus de 5 pieds de haut et de 24 de large. Du côté extérieur, on avait soutenu cette terre avec les vieilles briques et les vieux cailloux de la muraille, le tout lié ensemble par de l'argile et des mousses. Du côté intérieur, au contraire, on avait abattu le talus en pente douce. Sur cette large levée, on avait, dans toute sa longueur, planté des arbres forestiers et des arbustes défensifs, aubépines, houx, buissons ardents, réservant seulement entre ces deux haies un sentier de 10 pieds de large. C'était là le tour du parc, c'est-à-dire un chemin de ronde, une avenue circulaire de 2 lieues de long, et ce qui tout d'abord n'avait été qu'un expédient économique, était devenu avec l'aide du temps l'une des curiosités et surtout le charme de la terre de Rudemont. Depuis que le bonhomme Fabu avait fait cette plantation, les arbres et les arbustes, trouvant une abondante nourriture dans cette terre rapportée, avaient rapidement poussé et sous leur couvert s'était développée une végétation sauvage, vigoureuse et foisonnante. L'hiver même, c'était un lieu de promenade plus agréable et plus plaisant aux yeux que les allées du jardin, car, tandis que dans le jardin tout présentait l'aspect triste de la mort, dans ce tour du parc, tout était plein de verdure et de vie. Les troncs des arbres étaient garnis de lierres aux fruits noirâtres, et dans leurs fourches, comme sur leurs branches horizontales, se montraient des fougères parasites qui, sous le souffle de la bise, agitaient leurs frondes légères dans un mouvement rapide et continu. Au milieu du feuillage sombre des houx, éclataient des baies rouges, plus brillantes que des groseilles, et çà et là des oiseaux, attirés de loin par cette abondante nourriture, se querellaient en becquetant les fruits des églantiers et des buissons ardents. Mais sa vraie, sa belle saison, c'était le commencement du printemps, quand, sous leur abri de feuilles, les petites plantes printanières sortaient de leur sommeil hivernal. Alors, tout le long du chemin herbu, au milieu des réseaux de la pervenche qui couraient sur le velouté des mousses, fleurissaient les violettes bleues et blanches mêlées aux primaires et aux jonquilles jaunes. De chaque côté jusqu'au milieu des cépés, ce n'était qu'un tapis de fleurs odorantes. C'était ce tour du parc que Louis et Denise avaient choisi pour leur lieu ordinaire de promenade. En effet, par un accord tacite, sans que Louis eût rien demandé, sans que Denise eût rien accordé, dès le jour même de l'arrivée de Louis à Rudemont, ils étaient sortis ensemble, et au lieu de se promener dans les allées du jardin, ils avaient été prendre ce sentier printanier qui, s'ouvrant sur l'un des côtés de l'esplanade, venait finir sur le côté opposé après avoir décrit une longue courbe. Louis, en recherchant le tête-à-tête et la solitude avec Denise, avait obéi à son amour. Il échappait ainsi au regard de sa mère, qui le gênait, et à l'observation de son oncle, qui l'humiliait. Et d'un autre côté, il échappait au marquis et à l'institutrice, devant lesquels il ne pouvait pas être lui-même. Ce n'est point impunément qu'on adopte une attitude. Facile à prendre, elle est dure à perdre. Car alors même qu'on veut sincèrement s'en débarrasser, les autres vous l'imposent. Il avait beau vouloir être jeune, être lui, le marquis et Clémence le traitaient toujours en magistrat. Denise, en venant franchement à lui, avait voulu elle aussi échapper pour un moment aux hôtes ordinaires de Rudemont. Non pas qu'elle eût quelque chose à leur cacher ou qu'elle eût à souffrir d'eux d'une façon quelconque, mais elle avait besoin, un besoin conscient, d'aller à ce qui était jeune. À Château-Chinon, elle avait vécu avec des enfants, elle jouait avec eux, elle courait, elle criait, elle était jeune. À Rudemont, elle vivait avec des personnes de sang rassis et d'âge raisonnable. Son parrain, qui avait 46 ans, M. de Carquebus, qui en avait 58, Mme Méraud, qui en avait 55, Mme Clémence, qui n'avait pas d'âge appréciable pour elle, par cette raison qu'elle était sa maîtresse. Louis, au contraire, était jeune. Elle allait à lui naturellement, entraînée, sans en avoir conscience, par le charme irrésistible de la jeunesse. Assurément, s'il lui avait été loisible de faire choix d'un compagnon, camarade et ami, elle l'eût voulu plus jeune encore. Et s'il avait eu 15 ou 16 ans, s'il avait été disposé à courir après les papillons, ou bien à grimper aux arbres pour voir ce qu'il y avait dans les nids, elle ne lui eût point fait un reproche de ses gamineries, qu'elle eût été heureuse de partager. Mais enfin, c'est une si grande magicienne que la jeunesse, que le jour où Louis s'était décidé à renoncer à sa froideur et à sa réserve, Denise était tout de suite accourue à lui, les mains tendues, les lèvres ouvertes, le sourire aux yeux. Comme il arrive souvent après une pénible contrainte, Louis, en tête à tête avec Denise, avait été d'autant plus jeune que pendant longtemps il s'était fait vieux. Il s'était alors rattrapé, largement rattrapé de ses années de gravité, et tout naturellement son cœur, sincèrement épris mais honnête, s'était mis à l'unisson de ce cœur pur et naïf. Entre eux, point de ces conversations qui, finalement, alors qu'elles sont dirigées par un esprit expérimenté, glissent de pas en pas sur la pente rapide du sentiment et de l'amour. Parler d'amour, Louis n'y songeait guère. Qu'eût-il dit à cet enfant qu'elle put entendre? À quoi bon parler d'ailleurs, et quelle joie plus grande que celle qu'il goûtait, leur eussent donné des paroles plus ou moins habilement arrangées? À quoi bon s'enfermer dans les étroites limites du matériel, quand, au fond du cœur, on a l'infini? Se mettre devant un mur, quand devant soi s'ouvrent les profondeurs du ciel? Louis, par bonheur pour lui, avait l'âme assez jeune et assez pure pour goûter, sans demander davantage, le charme de cette situation. Et Denise, de son côté, était assez innocente pour s'y abandonner, sans chercher au-delà, et pour s'y confier sans inquiétude. Parler d'amour, qu'aurait-il dit? Avait-il besoin de se dire qu'ils étaient heureux, lorsqu'après déjeuner, s'échappant du salon, où le marquis fumait mélancoliquement son cigare, tandis que M. de Carquebus battait savamment son Gloria, il traversait l'esplanade en courant et gagnait le tour du parc. Heureux. Ce sont les infortunés qui savent raisonner leurs sentiments, les analyser et les sonder, qui veulent les peser avec les tristes balances de l'expérience et de la comparaison, qui se disent qu'ils sont heureux et qui se donnent la peine de s'expliquer mutuellement leur bonheur. En arrivant sous le couvert de leur allée, ils ne disaient rien. Ils s'arrêtaient d'un commun accord, et se tournant à demi l'un vers l'autre, ils se regardaient. Leur regard n'avait rien de profond. Les yeux de Louis ne se plongeaient point dans ceux de Denise, et Denise ne cherchait point ce qu'il pouvait y avoir au fond de ceux de Louis. Ils se regardaient, et ils se sentaient pénétrés d'une joie tranquille et douce. Le sentiment qui s'éveillait en eux avait quelque chose des efflorescences printanières qui les entouraient. Et alors, si leurs lèvres s'entr'ouvraient, c'était pour sourire, non pour parler. Ils allaient devant eux, marchant légèrement sur le fin gazon qui commençait à verdoyer. C'était une promenade au milieu des fleurs. À leurs pieds, les violettes s'épanouissaient dans les feuilles sèches, d'où elles sortaient en longues traînées bleues ou blanches, et sur leur tête, les épines noires, qui commençaient à défleurir, semaient leurs pétales, que le vent emportait comme des tourbillons de neige. Alors ils commençaient à bavarder, causant de choses et d'autres, joyeusement, à bâtons rompus, riant aux éclats pour le plaisir de rire, sans s'inquiéter de savoir si ce que provoquait leur gaieté était spirituel. Ils avaient bien souci des choses de l'esprit, ils savaient bien ce que c'était que l'esprit. Parfois ils s'arrêtaient, Denise ayant brusquement retenu Louise par la main. « Ne rions pas comme cela, » disait-elle à mi-voix. « Vous verrez que nous finirons par obliger les oiseaux à abandonner leur nid. Tout à l'heure, quand vous m'avez fait rire, j'ai vu une fauvette qui s'est envolée avec épouvante. Son nid est là, probablement. Si nous le cherchions, bon moyen pour assurer la mère que nous avons fait partir. Nous n'y toucherons pas. Nous le regarderons seulement. Nous verrons s'il y a des petits, et demain nous reviendrons voir s'ils ont grossi. » Il cherchait le nid, se piquant les doigts en riant. Mais bientôt il fallait rentrer, car l'heure du travail arrivait, et Denise, si emportée qu'elle fût par le rire ou par la joie de la promenade, n'oubliait pas qu'à l'heure précise, son institutrice serait assise près de sa table. Alors, on revenait sur ses pas. Ou bien, si l'on était trop en retard, et si l'on ne pouvait regagner le temps perdu en courant, on coupait au cours en prenant une des allées droites du parc, qui, comme les branches d'un éventail développé, venait tout aboutir sur le château. Le soir, ils se retrouvaient au dîner, puis après le dîner dans le salon. Tandis que Clément se mettait au piano pour bercer le marquis, Louise et Denise allaient s'asseoir dans un coin et ils feuilletaient des albums ou des livres de voyage. Alors, si les cheveux de Denise effleuraient la joue de Louis, tandis qu'ils se tenaient tous deux penchés sur la même gravure, ils ne se sentaient troublés ni l'un ni l'autre et ils ne pensaient pas à se reculer ou à baisser les yeux. Mais ce qui les troublait, ce qui les blessait, c'était la voix de M. de Carquebus, quand, de la place qu'il occupait fidèlement derrière Clémence, il se mettait à crier « Eh bien, que faites-vous donc là-bas, les enfants, dans votre coin ? On ne vous entend pas !»